Eh bien bonjour chers auditeurs de Fadjet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission des Bons Plans Solidaires. Les Bons Plans Solidaires, une émission proposée par le GSA Arelia. Alors aujourd'hui encore un riche programme, nous avons des infos, nous avons de la musique, nous avons deux invités que nous allons recevoir au cours de l'émission. Nous avons aussi Bertrand qui va nous faire sa chronique et ainsi qu'Ella. Et on retrouve maintenant Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Lionel. Alors je crois que tu as un invité avec toi, Stéphane Gonzalez de la Fabrique des Possibles à Vendeuvre. C'est à toi. Oui, bonjour Stéphane. Vous êtes le responsable de la Fabrique des Possibles à Vendeuvre. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre association s'il vous plaît? Bonjour à tous. Bonjour Lionel, bonjour Bertrand. Donc effectivement je suis Stéphane Gonzalez. J'ai 47 ans, je suis Nancéen depuis une dizaine d'années et je suis le responsable de la Fabrique des Possibles, qui est un tiers-lieu basé à Vendeuvre, à la proximité du Vélodrome, et on s'intéresse à toutes les questions autour du numérique. Et depuis quand la Fabrique des Possibles existe-t-elle et comment et à qui en est venue l'idée? Alors l'idée date de fin 2019 à peu près, c'est un collectif d'acteurs qui se sont rassemblés autour de ce projet. Moi, à l'époque, je travaillais pour la mairie de Vendeuvre. Et au sein de la mairie, on avait un peu cette idée de construire un tiers-lieu. Les tiers-lieux, c'est des nouveaux espaces, en fait. C'est des nouveaux lieux pour que tout le monde puisse se retrouver, se rencontrer, échanger et puis mener des projets ensemble. C'est ça aussi l'idée des tiers-lieux. Et donc, à l'origine de ce projet, il y avait donc la mairie de Vendeuvre, il y avait la MJC Étoile, la MJC Centre Social Nomade et l'association Alexis Grand Est qui accompagne la création d'entreprises. Donc c'est ensemble, ces quatre acteurs, qu'on a réfléchi à un projet visant essentiellement à favoriser l'accès au numérique du plus grand nombre, et en particulier des habitants des quartiers prioritaires. Mais alors, à qui la Fabrique des Possibles s'adresse-t-elle vraiment? On s'adresse vraiment à tout le monde. On peut accueillir aussi bien des groupes qui viennent notamment avec les associations qu'on accueille. On a des accès aussi pour les particuliers. Ça peut être en fait un peu tout le monde. Ça peut être des étudiants, ça peut être des travailleurs indépendants qui ont besoin d'un espace pour travailler et pour collaborer avec d'autres. Ça peut être aussi des classes, puisqu'on accueille aussi des classes des établissements scolaires de Vendeuvre pour pouvoir utiliser des outils numériques. Voilà, c'est très très large. On a commencé par exemple à accueillir un atelier autour des demandeurs d'emploi, en se disant qu'on pourrait peut-être proposer des services, en tout cas des moyens pour les demandeurs d'emploi qui sont souvent très isolés. Hein, quand on cherche un boulot, on est un peu tout seul chez soi, on essaie de répondre à quelques annonces, on envoie des CV, et c'est pas toujours facile en fait de rester tout seul. Donc là, on imagine un espace, un temps d'échange entre demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent s'entraider. Qui puissent avoir des conseils aussi de l'extérieur et puis tout simplement bénéficier aussi de nos espaces pour pouvoir travailler. On a des ordinateurs pour faire son CV, on peut imprimer des documents, enfin voilà, avoir un espace un peu collaboratif. Aujourd'hui, on parle du co-working. Alors, co-working, c'est ensemble, working, travail, donc travailler ensemble. Il y a beaucoup d'espaces aujourd'hui comme ça où on peut travailler ensemble et des gens viennent simplement pour partager un bureau en fait, hein, et puis pouvoir travailler. Et nous, on imagine le co-jobbing, c'est-à-dire rechercher un emploi ensemble et pas rester tout seul, mais s'entraider pour se donner des plans, se dire, j'ai mon cousin ou j'ai mon oncle qui cherche du boulot, qui cherche à employer quelqu'un, tiens, ça, je pense que ça pourrait t'intéresser. Enfin voilà, se donner des coups de pouce, en fait, les uns les autres. Et nous, on privilégie beaucoup ça, c'est le pair à pair, en fait, c'est que les gens puissent s'entraider de l'un à l'autre, parce que souvent, on a des compétences, on sait faire des choses, puis on peut les transmettre à d'autres, et on va apprendre d'autres choses des personnes qui nous entourent. Alors, pour bien connaître le lieu, Stéphane, on va préciser que c'est quand même un espace qui est grand, qui est très convivial, où il y a de la place pour travailler tranquillement aussi, c'est important. Je pense à ceux qui sont dans le cadre d'une création d'emploi, création de petites entreprises, et qui veulent travailler tranquillement, avec un parc informatique assez conséquent. Il y a même une salle de réunion, je sais qu'il y a des visios qui sont possibles, il y a un grand écran pour pouvoir faire des diffusions et autres. C'est vraiment et accessible à tout le monde, et vraiment un lieu où on peut vraiment travailler, et ensemble, se croiser et discuter de choses, et aussi travailler tranquillement lorsqu'il le faut. Ouais, c'est ça, hein. C'est l'idée vraiment d'avoir un lieu qui puisse servir à plein de choses en même temps. L'espace, c'est 300 mètres carrés, donc c'est quand même pas mal. On a effectivement une salle de réunion pour accueillir une dizaine de personnes. Et là, il y a des associations qui viennent se réunir pour leur travail, pour leurs activités. On a deux salles de formation équipées avec une dizaine de postes à chaque fois, des ordinateurs pour des ateliers d'initiation de formation au logiciel, au numérique. Et puis, on a un grand espace qu'on appelait l'atelier, qui doit faire dans les 60 mètres carrés. Et qui est assez chouette parce que c'est un aménagement qui a été réalisé avec des habitants, avec des membres d'associations. Donc il y a eu un atelier bricolage en fait pour fabriquer les meubles. Ça s'est fait avec un chantier participatif à Sirocourt dans le sud du département. Et voilà, il y a une cinquantaine de personnes au total qui ont participé à l'aménagement de cet espace. Et aujourd'hui, on a un espace super chaleureux. On a une cuisine aussi, ça c'est cool aussi. Tous les gens qui viennent, ils peuvent venir se faire un café, se faire un thé. Il y a un petit micro-ondes, c'est complètement libre en fait. Hein. On fait son café, on nettoie sa tasse en partant et puis tout va bien. Et c'est des choses comme ça très très simples et voilà pour vivre ensemble en fait. Hein. Un tiers-lieu, c'est une maison commune quelque part. C'est une nouvelle maison, c'est une deuxième maison pour que tout le monde s'y sente bien. En tout cas, je l'espère. Mais cette maison commune est-elle réservée aux Vendôpoiriens? Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'accord. Alors, on est forcément basé à Vendeuvre, on est très ancré avec les associations de Vendeuvre, mais aujourd'hui, on accueille des groupes de partout. N'importe quel habitant du Grand Nancy peut venir chez vous. On ne vérifie pas la carte d'identité à l'entrée. Voilà, c'est ouvert. C'est ouvert vraiment à tout le monde, sans exclusive, quoi, sans exception. D'accord. Ben merci Stéphane. Voilà, bien résumé vos activités. Pourriez-vous nous donner vos coordonnées et vos horaires d'ouverture, s'il vous plaît? Oui. Alors, nos coordonnées, on est au 164 avenue du Général Leclerc à Vendeuvre. C'est à la hauteur du tramway, de l'arrêt de tramway Vélodrome. Donc, quand vous situez un peu, il y a le supermarché, il y a un supermarché Match, il y a une brasserie. Ouais, donc c'est dans ce coin-là, juste avant d'arriver au Vélodrome, hein, quand on arrive de Nancy. Sur les horaires d'ouverture, alors il y a des horaires où la fabrique est réservée en fait, hein, aux structures qui l'utilisent. On a surtout trois temps forts dans la semaine qu'on appelle le coup de pouce numérique. Ça, c'est un temps qui permet à n'importe qui de venir avec un problème hein, ou un besoin autour du numérique. Je ne sais pas, vous avez besoin de faire une démarche administrative en ligne, vous avez besoin de refaire votre CV, vous avez besoin d'imprimer un document, vous avez besoin de conseils parce qu'on vient de vous donner un smartphone et vous savez pas trop comment, vous venez d'acheter un smartphone hein, et vous ne savez pas trop comment l'utiliser, votre ordinateur RAM et vous ne savez pas comment faire. Bref, pour n'importe quel besoin autour de l'informatique, autour du numérique, vous pouvez venir les mardis après-midi de 16h à 20h, les jeudis après-midi de 14h à 18h et les vendredis matin de 9h à 13h. C'est sans rendez-vous, sans réservation, sans adhésion, c'est gratuit. Et vous allez pouvoir être accompagné par notre conseiller numérique, Paul, et puis par des médiateurs aussi de réciprocité qui sont là et qui peuvent vous accompagner dans toutes vos démarches. Voilà. Bon, alors on pourrait encore en parler longtemps parce qu'il y a aussi d'autres activités que les activités que vous avez citées, des animations aussi où on fait participer les gens du Vendeuve, de quartier, qui viennent partager un moment de convivialité ensemble. Je sais aussi qu'il y a des projets qui sont en cours pour la rentrée. Bref, c'est vraiment un espace citoyen et vivant. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut y venir pour une chose et puis finalement, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui existent et ça peut retenir l'attention des uns et des autres. Voilà. On connaît quelques membres qui y vont régulièrement, donc on sait aussi que ça peut les intéresser sur d'autres choses, notamment pendant les périodes d'été, etc. Oui, effectivement, on a plein d'animations. Je ne sais pas, à titre d'exemple, là, les choses qu'on a faites récemment. Tous les mardis soirs, on essaye de monter une petite animation, une petite activité. On a présenté des choses avec des casques de réalité virtuelle, par exemple. Alors, c'est très impressionnant quand on met pour la première fois un casque sur les yeux, sur les oreilles. On a organisé un petit apéro des demandeurs d'emploi, j'en parlais tout à l'heure. On a fait un truc pas mal aussi avec les filles du club de foot de Vendeuvre. On leur a proposé quelques animations autour du numérique, parce que justement, souvent, on considère que le numérique, c'est un truc de garçon. Un peu comme le foot aussi, en fait. Hein. On a encore parfois un peu des stéréotypes dans la tête où on croit que c'est que pour les mecs. Et bien là, pour les footballeuses, on s'est dit, et puis elles se sont dit aussi que ça serait intéressant de découvrir le numérique, les métiers du numérique, tout ce qu'on peut faire avec l'informatique. On a aussi un petit Fab Lab, donc on a un petit espace aussi pour de l'impression avec des machines d'imprimante 3D. pour faire des impressions sur t-shirts, sur mugs. Enfin voilà, on accueille aussi des groupes là-dessus. Voilà, on a plein d'animations, d'activités qui sont possibles. Donc c'est un lieu très ouvert. Vous avez un projet, vous avez une idée, ben passez nous voir et puis on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. À très bientôt. Eh bien merci Bertrand, et on te retrouve un peu plus tard dans l'émission. Et maintenant c'est l'heure de retrouver notre chroniqueur Alain. Salut Alain. Bonjour Lionel, bonjour Radio Pagette. Alors Alain, dis-moi, aujourd'hui toujours à bon plan en cuisine, tu vas nous donner les petits tuyaux et une recette pour ne pas gaspiller le pain, parce qu'en France on est les champions du gaspillage. On estime qu'en moyenne, un Français jette 9 baguettes de pain cette année. C'est énorme. Soit, oui, c'est énorme. Plus de 2 kilos de pain par Français. Tu dis, ne jetez pas le pain qui est un peu racine, n'allez pas le mettre à la poubelle, on peut le récupérer et en faire quelque chose. Oui, on peut en faire, qu'on appelle ça, du pain perdu. Alors Alain, oui, c'est vrai qu'on peut faire du pain perdu, mais toi, tu as une recette particulière avec le pain rassis. Oui, c'est une recette qui s'appelle pudding. Elle est très facile à réaliser, elle peut se faire aussi bien sucrée que salée. Les ingrédients sont 500 g de pain rassis, 1 litre de lait et 4 œufs. Si le pudding est pour un dessert sucré, rajoutez 300 g de sucre. Si le pudding est pour un plat salé, ne mettez pas de sucre, mais une bonne pincée de sel. Réalisation. Coupez le pain rassis en morceaux. Faites-le tremper dans du lait bouillant. Bien mélanger avec les œufs au choix. Avec du sucre, le sel, selon la destination du plat. Ce pudding est personnalisable selon votre envie, nature ou agrémentée de divers ingrédients. Pour le sucré, vous pouvez rajouter des fruits secs ou frais, du chocolat, des zestes d'orange ou du citron, etc. Pour le salé, en fonction de vos désirs et de ce que vous avez sous la main, des dés de jambon, de lardons, des olives, du fromage, des légumes, des épices, etc. Le pudding nature amélioré. N'oubliez pas de verser la préparation dans un plat allant au four et de le cuire environ à demi-hauteur à 180 degrés. Ce plat est très facile à réaliser. Vous pouvez faire participer vos enfants. Ils apprendront ainsi comment protéger un peu la planète et économiser les ressources tout en se faisant plaisir. Le pain rassis se conserve très bien dans une boîte ou un sac. Connaissez-le au fur et à mesure que vous en avez assez pour les recettes. Bon appétit et bon plaisir. Merci Alain pour cette bonne chronique. Juste une petite précision, la durée de cuisson. Entre 25 et 30 minutes. D'accord, merci. Eh bien merci Alain pour ta bonne chronique, on te retrouve le mois prochain. Et maintenant, il est l'heure de passer à notre première pause musicale. On va écouter une chanson qui a beaucoup de succès actuellement. Ça s'appelle « Peur des filles » et c'est signé du groupe L'Impératrice. On se retrouve juste après. Avec elle, faut rien dire sans réfléchir. Faut toujours peser ses mots. Désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou. Comme si t'avais bu la tasse, noyé comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau. Elles sont bien pires que ton Shakespeare. Elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire. Un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout. Tu sens monter la menace. Tu dis ça, t'es pas trop chaud. C'est pas des gens comme il faut. We'll be right back. me suffire de les séduire, leur offrir des coques, les coques. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles battent ta peau. Pour toi, nous m'entourir, rendez-vous, mais un coup de jeune nous bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds. Eh bien maintenant, on retrouve Mamadou, on se connaît bien tous les deux. Bonjour Mamadou. Bonjour Monsieur Léonard. Alors dis-moi Mamadou, tu travailles actuellement dans un espace d'Arelia qui s'appelle les tisseurs de liens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont les tisseurs de liens? Le tisseur de liens, c'est un atelier de couture, un atelier d'insertion. Et dans cet atelier-là, donc vous faites de la fabrication et des réalisations d'objets? Oui, on fait pas mal de fabrication, de réalisation des objets. Quel type d'objets vous faites? Je peux vous citer, entre autres, on fait des tote bags, on fait des sacs à main, on fait des sacs à tarte, des tours, on fait des sacs à dos, donc il y a plein de choses, etc. Alors c'est vraiment super, hein. Avec Alan, nos chroniqueurs, on est allé vous voir l'autre fois. Oui. Vraiment, il y a de très très belles réalisations. Alors, il y a une particularité, je crois quand même, c'est que le tissu est quasiment tout le temps du tissu que vous avez vous-même récupéré. En fait, c'est des tissus, c'est des dons de tissus qu'on nous apporte par des personnes. Donc, d'autres, c'est des tissus de recyclage qu'on nous apporte. Voilà, ouais. Donc il y a aussi un effet très solidaire. Vous êtes combien à cet atelier à travailler? Nous sommes au nombre de 14, 7 par équipe. D'accord, ouais. Et donc vous travaillez du lundi au vendredi? Les horaires c'est de 8h à midi, 13h à 17h, on travaille du lundi au vendredi. Alors l'idée de l'initiative de ces tisseurs de liens, tu étais tout au départ? Tout au début, tu as fait partie des tout premiers, quand on avait, au GSA, commencé à réaliser des masques sans couture. Et puis, l'association Arelia, on en avait besoin, puisqu'il n'y avait pas encore les réceptions de masques. Oui. Donc, il y a eu un premier petit atelier de masquerie qui a été créé, où tu en faisais déjà partie. Ouais. Et puis après, y a eu de nouvelles idées qui sont sorties et vous êtes arrivé à créer les tisseurs de liens. Alors par exemple, est-ce que tu as un sac à dos par exemple? Combien à peu près il faut compter pour acheter un sac à dos chez les tisseurs de liens? Les prix sont abordables, donc ce n'est pas cher, à peu près 15 ou 10 euros. D'accord. Ouais, c'est, quand on voit la qualité, franchement, on peut se dire que c'est vraiment très très bien. Oui. Alors, vous avez votre atelier où vous pouvez recevoir le public aussi, avec un petit coin où vous vendez vos réalisations. Ça se trouve où tout ça? On fait des marchés artisanaux à la brasserie. On fait aussi des marchés artisanaux au château. Vous pouvez aussi passer à l'atelier même. Le château et l'atelier. Alors quand on dit château, c'est pas le château de Versailles, c'est un bâtiment dans au parc Sauvaux à Maxéville qui s'appelle le château. Donc c'est là qu'on peut vous retrouver lorsque vous faites des marchés. Oui. Et puis l'atelier est juste à côté. Hein. Oui. Et donc c'est 101 rue des Solidarités. 102 rue de Solidarité. 102 rue de la Solidarité. Oui. Donc à tous les auditeurs, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Oui. Chez les tisseurs de liens, vous allez voir, il y a une super ambiance. C'est vraiment des pros. Alors oui. Toi Mamadou, tu avais déjà des compétences en couture? Non, à la base je n'ai jamais fait de la couture. T'as appris tout sur le terrain? J'ai tout appris à l'atelier au tissier de Lien. D'accord. Ouais. D'accord. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris à créer le patron, à faire la découpe sur la table et de coudre. D'accord. Ouais. Et donc, ça t'apporte et de la technicité et de l'expérience. Ouais. Ça m'a permis aussi à m'intégrer. Voilà. Ouais. Et c'est une association qui nous accompagne aussi dans notre projet professionnel. Et toi, en l'occurrence, tu venais d'un pays étranger. Et oui. Grâce aussi à cette activité, à ta bonne intégration ici en France, aujourd'hui, tu as les documents qu'il faut pour y vivre tranquillement. Oui. Donc ça, c'est aussi c'est une bonne chose. Eh ben, merci beaucoup, Mamadou. Merci, monsieur Lionel. Et puis, on se retrouve vite au Tisseur de Lia. Je rappelle, 102 rue des Solidarités à Maxéville. Allez-y de notre part, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et en plus, vous allez voir de vraiment merveilleux objets qui réalisent. Et c'est vraiment en plus utile et solidaire. Ok, pour nous contacter, on a notre numéro, le 07 76 19 16 73. On a aussi notre page Facebook, Les Tisseurs du Lien. Comme vous pouvez aussi passer à l'atelier, on est là. Super. Pour vous. Merci Mamadou, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci Lionel. Et maintenant, on retrouve Bertrand une nouvelle fois. Alors Bertrand, tu pallies à l'absence de notre chroniqueur Loïc pour sa rubrique Culture Geek, mais il nous a préparé sa petite chronique habituelle, donc on te laisse faire, à toi. Oui, c'est moi qui vais lire sa chronique, il est absent pour une bonne raison, il viendra me parler bientôt avec plaisir. En attendant, voici la chronique. Commençons dès maintenant avec deux films qui vont bientôt sortir dans les salles du Caméo à Nancy, plus précisément le 15 juin 2022, et qui vont sûrement vous plaire. Le premier se nomme Incroyable mais vrai. Il a été réalisé par Quentin Dupieux et raconte l'histoire d'Alain et Marie qui emménagent dans une maison cachant un lourd secret qui pourrait être révélé grâce à une trappe cachée dans la cave. Venez découvrir ce mystère avec Alain Chabat, Benoît Magimel et Léa Drucker. Bon. Passons au deuxième sans plus attendre. Il s'agit de Sweet, un film de Magnus von Horn. L'histoire se concentre sur une jeune femme au nom de Sylvia qui est la coach sportive du moment, étant une grande influenceuse courtisée par les marques. Mais derrière ce succès virtuel, quelque chose trouble son quotidien. À vous d'aller découvrir ce qui se trame avec Magdalena Kolesnik, Julian Siezewski et Alexandra Koniecznia. J'espère que, comme Loïc, vous avez envie de découvrir ces deux nouvelles histoires qui, je rappelle, sortiront au cinéma dans les salles du Caméo à Nancy le 15 juin 2022. Maintenant, la petite séquence poésie de Loïc. Ah, qui dit juin, dit été qui approche à grands pas. Nous avons eu déjà des jours très chauds, mais nous aimons toujours la compagnie de notre cher précieux soleil qui nous fait part de ses plus belles couleurs et nous rappelle que la saison la plus chaude de l'année arrive doucement mais sûrement. Alors quoi de mieux que de vous citer un extrait d'un célèbre poème de Charles Baudelaire intitulé « Le soleil ». Alors détendez-vous et imaginez ce puissant soleil juste devant vous, faisant part de son plus beau sourire réchauffant et réconfortant. Ce père nourricier, ennemi des chloroses, éveille dans les champs les vers comme les roses. Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles et les rend gais et doux comme des jeunes filles et commande aux moissons de croître et de mûrir dans le cœur immortel qui veut toujours fleurir. Ainsi qu'un poète, il descend dans les villes, il ennoblit le sort des choses les plus viles et s'introduit en roi, sans bruit et sans valet, dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. J'espère que ce petit voyage poétique aux doux mots de Charles Baudelaire et au parfum des champs et océans du mois de juin vous aura plu, car il est temps de terminer cette chronique avec un événement qui pourrait vous plaire. Depuis le 4 juin et jusqu'à dimanche, la Foire Expo de Nancy a signé son retour après 2 années d'absence. Si vous avez envie de faire de bonnes affaires, je suis certain qu'il s'agit du lieu idéal pour en profiter. L'invité d'honneur cette année, c'est l'Irlande. 400 exposants locaux et nationaux vous attendent avec une grande impatience de 10h à 20h. Et ce samedi, la Foire Expo reste ouverte jusqu'à 22h. Mieux encore, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en ce vendredi 10 juin, l'entrée est à 1 € pour tous. Sinon, le tarif normal est de 5 € et c'est gratuit pour les étudiants et les jeunes de moins de 18 ans. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Venez découvrir la belle Irlande et profitez des merveilles et des plaisirs qui vous seront proposés. Plus d'informations sur www.jds.fr. Voilà, Loïc vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, moi aussi, et je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Merci Bertrand et merci à Loïc pour cette belle chronique. Et il est temps de retrouver notre deuxième pause musicale. On va fêter les 50 ans d'une chanson extrêmement connue en France. Si je vous dis Michel Polnareff, vous me dites, on ira tous au paradis. Allez, on chante tous et on se retrouve juste après. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, mais moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous. Yeah. Allez, maintenant, on attaque une rubrique qu'on aime bien, c'est de trouver les dates des anniversaires et l'âge et le nom des anniversaires de célébrités. Alors, on va commencer tout de suite par une première célébrité. Son vrai nom est Daniel Farid Hamidou. Il est né le 26 juin 1966 à Armentières, dans le Nord. Danny Boone. Oui, Danny Boone. Bravo. Je vais bien, tout va bien. Allez, notre nouvelle célébrité, c'est une femme qui est née le 10 juin 1942 à Saïgon, en Indochine. Elle va donc fêter, elle vient de fêter ses 80 ans. Son vrai nom est Chantal Deguerre. Elle est actrice, chanteuse française. Bécassine, c'est ma voisine. Oui, ma cousine. Et donc c'est... Chantal Goya. C'est Chantal Goya, bravo. Un peu plus compliqué cette fois-ci, notre nouvelle célébrité, et je vous en dirai peu exprès. Elle est née le 15 juin 1960 à Nice. C'est une actrice française, elle est aussi réalisatrice, productrice, scénariste et humoriste. Elle vient d'avoir donc, elle va avoir 62 ans. Elle a fait 4 pièces de théâtre sous forme de sketch avec Pierre Palmade. Alors là, vous avez trouvé là. Michel Laroche, ou Larocque, Michel Larocque. Michel Larocque, bravo. Alors, avant-dernière célébrité aujourd'hui, son vrai nom est, attention, on respire, Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Elle est née le 17 juin 1962 à Mangualde, au Portugal. C'est une chanteuse et actrice luso-belge francophone. Elle va donc avoir 60 ans. Suza Linda de Suza. Ouais. Non. Si je vous dis, Banana Split. Ah, Lio. Lio, Lio. Et le dernier aujourd'hui, attention, soyez attentifs, il a 110 ans, il aura 110 ans le 24 juin. Il est né le 24 juin 1912. Son père s'appelait Edgar Rice Burroughs, qui était un auteur américain. Le premier film sur sa vie et ses aventures est sorti au cinéma en 1918 et son dernier film le consacrant en 2016. Un acteur français a interprété le rôle de notre personnalité en 1983. Les aventures inspirées par notre personnalité a donné lieu à 53 romans d'une dizaine d'auteurs, principalement américains. Notre célébrité que l'on a connue au début de ses histoires enfant devient adulte, a une compagne qui s'appelle Jane et ont un fils qui s'appelle Jack ou Korak en langage singe. Tarzan. Eh ben, Tarzan, oui. Tarzan, bravo. Eh bien, on va terminer notre émission, hein, qui il est déjà l'heure, malheureusement. Et je vais vous donner quelques bons plans dans la région pour le mois de juin. Alors, je vous rappelle, le Festival La Palette, c'est l'avant-dernier week-end de juin. C'est à Maron, à 6 km de Nancy. Des concerts, des animations, des stands, des tatoueurs éphémères. Il y aura une navette, un camping sur place, des food trucks, des bars, etc. Un lieu éphémère magique, entièrement construit à partir de palettes, de bois et de récup. Bref, un festival bio qui, au fil des années, a pris sa place dans l'événementiel culturel de la région. Entrée 5 euros le vendredi et samedi, gratuit le dimanche. Pour tout renseignement, retrouvez le festival La Palette sur Facebook. Ensuite, autre chose très intéressante aussi, la fête du cinéma qui aura lieu du dimanche 3 au jeudi 6 juillet. Tous les films dans tous les cinémas pour 4 euros la séance seulement. Une occasion immanquable pour faire le plein de cinéma. Enfin, vous connaissez tous cette manifestation, c'est la fête de la musique à Nancy et dans toute la métropole le 21 juin de 12h et jusque tard dans la nuit. Le millésime 2022 sera exceptionnel après 2 ans de Covid et verra de nombreux concerts, des déambulations, des parades, des animations. Fiesta bomboche pour tout le monde, renseignements dans votre mairie ou sur les sites de vos offices de tourisme habituels. Et voilà, l'émission des bons plans solidaires se termine. Toute l'équipe et moi-même nous remercions de votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve le mois prochain, même endroit. Et d'ici là, on vous souhaite un bon mois de juin. On vous souhaite d'avoir plein de soleil. Faites attention toujours à vous et aux autres. On retrouve la suite des programmes de Fadjet juste après notre émission. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.